pas, t'as rien à faire, j'te promets. J'réalise pas le buzz ni les valeurs de mes trophées. Puis petit, j'ai trop faim, j'suis devant l'ordi, j'me nique le dos. J'avertis, touche pas la famille, oh, ça fait clic, boum. Ça n'étoile pas, bam, bam, bam. Ils vont tous se mettre en bombe. Mais en cellule, mes potes, ils font des séries, bam, bam, bam, bam. J'vais ramper jusqu'à temps, puis j'crois que j'ai pas que les embêtes. Dans ma vie, j'ai vu un peu tout des méchantes têtes. Tu l'as pas calculé, car t'as préféré ton pote. C'est juste pour te pomper qu'elle s'était fait pomper. Ça fait plaisir de se lever au bruit des pots de compote. T'inquiète, j'vais pas zapper, même si tu fais la trompette. Tu veux que ça pousse, faut la bourrer. N'en fais pas, j'suis pas bourré. Elle me cherche, j'vais la bourrer. Pour moi, mourir, elle bourrée. J'étais bien devant la mer, le jus dans la noix de coco. J'étais avec les Bretons, j'faisais tourner le popo. Comment te dire que je suis triste? Mais c'est la la. Mais si tu l'aimes pas, ben faut que tu le quittes. Bye bye bye bye. Faut dépenser, arrêter le shit. Parce que j'suis die die die die. Dans la rue, non y'a pas de limite. Non y'a pas de limite. Que ça me try try try try. Le bruit des vagues, le repos. Avec un mojito. On va aller où? Avec un verre burrico. Nique les mythos, les indiques, bandeur d'hommes. Ça ferait tout pour me faire de l'ombre. Et je ne fais que figue, figue. J'ai où le vent me mène et on verra où j'irai. Les petits trafics à l'eau, ils répliquent les flics. Pour eux, c'est le seul moyen de s'en tirer. On s'aime bien frangin, mais on se calcule plus. Aujourd'hui, sur l'engin, je suis frais, je rigole plus. Ne sors pas le machin, caméra dans la rue. J'aime pas être à jeun quand tout le monde a bu. Comment te dire que je suis triste? Mais c'est la life. Mais si tu n'aimes pas, ben faut que tu le quittes. Dis du bye bye bye bye. Faut dépenser, arrêter le shit. Parce que je suis die die die die. Dans la rue, non y'a pas de limite. Non y'a pas de limite. Ça me try try try try. Comment te dire que je suis triste? Mais c'est la la. Mais si tu n'aimes pas, ben faut que tu le quittes. Bye bye bye bye. Faut dépenser, arrêter le shit. Parce que je suis die die die die. Dans la rue, non y'a pas de limite. Non y'a pas de limite. Que ça me try try try try.